auditeurs, auditrices de Radio Chevaucheur, Lisiane vous dit bonjour en ce dimanche matin. Nous sommes le dimanche 13 avril, le jour des rameaux. La pluie est arrivée, bien sûr, sur la Belgique. Anniversaire People, aujourd'hui nous avons James Bond, 72 ans, demain Frédéric Courant, mardi Louis Fonsi, mercredi Catherine Allégret, jeudi James Last, vendredi David Tellman, samedi Oli et dimanche prochain Carmen Electra. Radio Chevaucheur, Lisiane avec vous ce dimanche matin de 9h30 à 12h. Vous aurez votre apéritif musette et à tout à l'heure, à 14h, votre cabaret d'étoiles avec le chanteur Frankie Steven. Puis nous aurons Jean-Pierre Darras et Claudio Piccarella tout au long de cet après-midi. Entrée gratuite, venez nous rejoindre. C'est la journée mondiale du Scrabble. Fêtons aujourd'hui Ida, également le jour de dimanche des rameaux. Ciel rouge du matin et un pluvieux voisin. Fleur du mois, la marguerite. Frankie Steven, qui a déjà passé dans les années 90 à Radio Chevauchoir, il revient également avec un autre CD. Aujourd'hui, je vous propose un de ses débuts, et bien Tout donné, et aujourd'hui Kiss Me. Kiss Me. Chanteur de charme, chanteur également romantique que vous aurez la possibilité de rencontrer aujourd'hui à la guinguette de Radio Chevauchoir dans l'émission des invités. Et Pâques, ce dimanche, les Djaldongwe vous proposent une marche. C'est la 38e qui vous propose en ce dimanche 13 avril à Hoé. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants des numéros suivants. Eh bien, aujourd'hui, vous aurez le 17, le 21, le 25, le 28, le 29, le 35 et le 10 pour le Joker Plus 856 316, le signe Lion. On écoute les amoureux de Sheila, de son dernier album L'Avenir. Sur les sommets, au fond des creux de l'insouciance. Radio Chevaucheur vous propose eh bien, de venir à Saint-Guinguette cet après-midi, 14h, avec Francis, Francky Steven, Claudio Picarella et Jean-Pierre Darras, entrée gratuite à partir de 14h à la guinguette de Radio Chevauchoir. Dimanche prochain, nous serons en congé, mais puis le dimanche d'après, nous serons, pas le dimanche après, mais le 1er mai, c'est un jeudi, nous serons en activité pour vous faire plaisir. Le 1er mai, beaucoup de choses vont vous faire venir, car nous aurons plusieurs stands de démonstration également, si vous voulez essayer, parler, discuter, savoir un peu plus sur ce que vous pouvez faire en soins de beauté, eh bien, nous aurons une personne qui sera là pour vous expliquer, pour vous conseiller à acheter des produits de beauté. De même que la déco de maison, si vous voulez en savoir plus, mais vous venez sur les lieux de Radio Chevauchoir, vous aurez également la possibilité, si vous avez si vous aimez la couture, également vous pourrez découvrir, si vous croyez à votre pierre, eh bien toutes différentes de pierres seront à votre disposition selon votre signe, les sacs et les fleurs, l'aquarelle, si vous voulez faire votre portrait ou le portrait de votre animal préféré, pourquoi pas, ou votre maison, eh bien il y a une dame qui peut vous faire cela, vous discuterez avec elle. Ou alors manger des bons bonbons ou des biscuits. Ce n'est pas tout, on vous propose également les produits Shogun, qui sont des parfums, également des produits Mylène, que des produits d'entretien pour la maison et pour autres. Vous aurez des bijoux de fantaisie et de l'artisanat. Vous aurez les bijoux de Victoria et vous aurez également de la pâtisserie, qui est bien sûr pour faire des moules. Si vous voulez un moule pour faire un genre de gâteau ou des madeleines ou autre, eh bien, on vous attend avec tout cela. Et pour parfumer votre maison, vous aurez également toutes sortes de bougies. On vous attend ici à Radio Chevauchoir le 1er mai sous chapiteau différent de la guinguette. Car dans la guinguette, vous aurez quelques artistes. Vous aurez Francis Grange, vous aurez Aria Sébastien et vous aurez également Jean-Claude Van Damme et Clo-Clo qui chantent du Claude François. Voilà une entrée, une après-midi avec une entrée gratuite toute la journée dès 11h le matin. Pour les personnes qui aiment bien jouer au bingo, il y aura quelques cartes de bingo dès 11h le matin. Et à 14h, nous accueillerons tous nos artistes. Et bien sûr, à 11h, vous aurez la possibilité de rencontrer nos artisans et leurs stands. Il y aura une petite restauration, comme on vous l'a cité depuis quelques temps, des pains saucisses. Et pour les personnes qui veulent réserver une assiette froide et des frites, ça sera possible également. Nous aurons tout cela sur place. instants pris. Comme je vous le disais, on va le voir souvent en France, dans son établissement, mais le 1er mai, c'est lui à son tour qui vient chez nous. Alors, si vous voulez le voir, le rencontrer et voir l'ambiance qu'il donne, eh bien, pourquoi pas venir le 1er mai à Radio Chevauchoir. Voilà, vous pouvez retrouver ce petit monde le 1er mai. Mais pour les personnes qui ont envie encore de continuer le week-end, car ce sera un long week-end, on vous propose le 3 mai. C'est le samedi après-midi. Patrick Duquenoy. Et on fera un souper qui sera un genre de planche à barbecue de viande, salade et pommes de terre miniature. Pour réserver, vous pouvez déjà le faire dès maintenant. Et ce sera Patrick Duquenoy qui sera bien sûr à 15h à Radio Chevauchoir. Tu voulais m'épouser. Patrick Duquenoy qui sera là également mardi matin avec en interview avec Jean-François pour parler de leur festivité du 17 mai qui aura lieu du côté de Namur. Voilà, si vous voulez plus d'infos, vous écoutez mardi à 10h le matin concernant cela. Le dimanche 18 mai à la guinguette de Radio Chevauchoir, on vous propose un groupe de musiciens, les Double Twins, qui viendront à Radio Chevauchoir et Étienne qui chantera du Scheller, le répertoire de Scheller. Et pour les personnes qui ont envie de voyager, le 15 mai, on vous propose de sortir pour aller voir Seth Prestal, l'accordéoniste chanteur et qui vous mettra dans l'ambiance. Ce sera en France. Le prix est de 75€ par personne avec le repas et les boissons comprises et le voyage. Et puis le 25 mai, pour les personnes qui aime de jouer au bingo, également de danser, parce qu'on danse également au casino, eh bien, ce sera le 25 mai. Vous, on part ici de l'eau en autocar, vous avez le repas de midi, de boissons, et puis vous avez également toute l'après-midi de jeux gratuits, et vous pourrez danser, chanter, tout ce que vous voulez. C'est le 25 mai, on attend vos inscriptions et vos derniers paiements. Il est temps, cette fois-ci. Alors, on va écouter un dernier titre avant l'apéritif musette. Le 7 juin, eh bien, petit voyage également à la mer, à la panne, si vous voulez encore vous inscrire, il est grand temps, c'est 35€ par personne. Mais aussi la pire chose qui... Radio Chevauchoir, Lisiane et toute l'équipe des bénévoles vous souhaitent une bonne écoute. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Radio Chevauchoir, 7 rue Le Chevauchoir, 5170 Lèves-Profondeville. L'apéritif musette tous les dimanches en compagnie de Lisiane. N'hésitez pas, branchez-vous. À midi, toute la semaine, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime? Un bon apéritif avec de l'accordéon jusqu'à midi. Nous fêtons les Ida. Bonne fête à vous. Notre numéro d'appel 081 13 86 81. Téléphonez-nous. Dimanche prochain, vous serez en compagnie de Viviane. nos personnes qui soutiennent, bien sûr, cette émission. Loulou d'Ivoire, Léona Dugonois, Didier François Zenoville, Josette Émile, Alain Denis, Nicole Dandois, Papy Georges, Mimi Crupin, Nicole de Salzine, Simone de Denis, Robert et Yves, Gisèle de Jeff, Karine et David, François et Monique, de Dorine, Eliane de Profondeville, Josette Francine, Daniel et Monique, Nicole de Staff, Marie-Josée Dugonois, Nicole de Staff, Monique de Buzin. Merci parrain et marraine d'une dimanche matin. Viva Barcelona!